Yeah. Mr. Vinny, welcome you, bienvenue. Schubberry, I represent for my city. Free Liège, Belgique, de Lausanne, Kenny. Keep man bending, yeah, tashiki. Fame rap, na hoodit, calder, match, hoop it. Many good boys, door, jitter, weed, smoke it. Nieri rugas, cash, bon, pe clubin. Fjale, empish, timoni, cash, clubin. Po normal, kukari, match, team, ek, zy. Kure, se, zam, kan, ik, dosi, pyten, vi. Qa, ir, ben, i, jen. Mesajin, temi, fil, shuiz, kan, cent, it, jen. Qa, qi, hip, hop, bien. Qi, 15 vjet, ty, qu, panik, op, tek, ster, en, ter. Stikim, qel, qel, pure, pa, filter. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Ça sert jusqu'au dernier refrain. Quand j'entends les bichos vite en série, ils promettent bien houdit. Quand j'entends les bichos vite en série, ils promettent bien houdit. Quand j'entends les bichos vite en série, ils promettent bien houdit. Quand j'entends les bichos vite en série, ils promettent bien houdit. Doi mes anziers founin mon frère, mais j'en suis fier. Déjà mon inspiration, j'ai l'idée d'y sévère. Jamais stoppé des kicks et vénère. Pod sur pod, ma dope s'est glissée dans ton iPod. Mais tout a commencé dans ces sales caves. On gleure dans les buildings, ça rap tard. On voulait faire du break, mais c'est le mic qui m'a capté. On a lâché le foot, rien à foutre, on voulait faire du foot facile dans le quartier. Ça joue les gangsta, mais pas devant les remparts. J'évite les remparts, jamais ramener flics, t'es bas en bas, on vient d'en bas. Je devais m'exprimer pour mes blédards, mes aigles, mes chiptards, mes soldats. Je me suis fixé un but depuis le début. J'allais pas repartir sans prendre mon but comme convenu. Depuis le début, je remercie ma famille, ceux qui m'ont soutenu. Depuis le début, j'ai rien lâché. J'ai des solides et des gars fâchés. Ouais, ouais, ouais, ouais, j'ai des solides et des gars fâchés. Depuis le début, j'ai rien lâché. J'ai des solides et des gars fâchés. Quand j'entends les biches, j'oublie ta télé, ils promettent bien houdit. Quand j'entends les biches, j'oublie ta télé, ils promettent bien houdit. Quand j'entends les biches, j'oublie ta télé.